Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quelle question poser à sa ravissante partenaire ? Le journaliste s'interroge gravement. Partenaire, le mot laisserait entendre qu'il est, le journaliste, un comédien donnant la réplique à Simone Renan, en l'occurrence, au cinéma ou au théâtre. Après réflexion, les bonnes questions seront trouvées. Les réponses seront données. Un peu lues, peut-être, mais cela ajoute au charme de ces confidences qui restent très générales. La vedette parlera, très brièvement, théâtre et cinéma, puis dira un poème d'Apollinaire. Nous étions le 12 août 1945 sur le programme parisien, au micro, André Bourillon. Ma foi, ce soir, c'est moi qui commencerai par vous faire une confidence. Alors voilà, je suis à côté d'une très jolie femme, et j'en suis ravi d'ailleurs. Elle est blonde, et ses grands cheveux ondulent légèrement sur les épaulettes en paillettes de son manteau noir. Elle est à côté de moi, et en ce moment sourit gentiment de mon embarras, car c'est ça ma confidence. Je suis très embarrassé pour vous la présenter. En effet, présenter quelqu'un à une personne qui ne connaît pas ce quelqu'un, c'est facile. Mais présenter une personne que tout le monde connaît, je vous assure que c'est très délicat. Alors voilà. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais dire quelques titres de films et vous comprendrez de qui il s'agit. Dans Romance à trois, elle était Huguette. Dans Domino, elle jouait aux côtés de Fernand Gravé. Et dans Le Voyage sans espoir, elle était la partenaire de Jean-Marie. Eh oui, c'est bien Simone Renan. Alors vous voyez bien que j'avais quelques raisons d'être embarrassé de vous la présenter. Mais maintenant c'est fait. J'ai dit Simone Renan et vous la voyez et cela suffit. Alors voilà, puisque nous devons ensemble passer, qu'a-t-il commencé tout de suite ? Mais accordez-moi cependant un temps de pause durant lequel je pourrai mieux voir quelle sorte de questions je vais pouvoir poser à ma ravissante partenaire. Eh bien, tout d'abord, madame, la question traditionnelle. Pouvez-vous nous parler de vos débuts au théâtre ? Eh bien, voilà, j'ai toujours eu le plus vif désir de jouer la comédie. Mmh. Alors, mes parents ont bien voulu, à condition que je passe par le conservatoire. Alors, vous êtes passé par le conservatoire ? Oui, j'y suis resté 3 ans, j'en suis sorti avec un second prix. Ah bien, c'est parfait. Et ensuite, pouvez-vous me parler maintenant de votre prise de contact avec la scène ? Eh bien voilà, ma prise de contact avec la scène remonte il y a fort longtemps, parce que la première fois que j'ai paru sur une scène, j'avais à peu près 7-8 ans. Vous étiez précoce. Oui, j'étais précoce. J'avais vraiment très envie de faire ça. Alors, vous savez, la première impression, c'était une impression... je ne peux pas dire que j'ai eu peur, non. J'étais surtout ravie, parce que je commençais à faire un petit peu ce que je voulais. Vous aviez le désir de faire du théâtre. Oui, c'est ça. Alors, c'était plutôt une impression de contentement. C'est mais ça. Naturellement, plus je suis allée vers ce métier, plus je me suis rendu compte des difficultés, alors plus j'ai eu le trac. Je suis plutôt traqueuse de nature. Ah, vous avez toujours le trac ? Oui, je l'ai très très souvent. Tiens. Et maintenant, vos grands débuts se sont passés comment ? Eh bien, la première pièce que j'ai jouée à Paris, c'était une reprise d'une pièce espagnole qui s'appelait Le Chant du Berceau, dans lequel je jouais le rôle d'une petite fille de 16 ans. Et vous n'avez pas une petite anecdote à nous raconter là-dessus ? Sur celle-ci, non, mais j'en ai une qui est assez amusante, enfin je pense qu'elle vous amusera. Mmh. Juste avant la guerre, j'ai eu la joie de jouer une pièce de Maurice Diamant-Berger qui s'appelait Baignoire Bay, avec notre grand Jabou, notre Jabou. Et alors, Jean-Noël jouait le président. Moi, je jouais une dame qui venait donner une déposition. Parce que ça se passait au tribunal. Ça se passait au tribunal, oui. Et alors là, il s'est passé une chose absolument incroyable. Jaboune a eu le fou rire. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Et je sentais sa voix trembler. Je lui donnais naturellement les répliques qu'il me demandait. Mais nous étions dans une atmosphère absolument épouvantable. Je tremblais, je sentais tout. Et alors tout à coup, comme j'étais face au public et que je ne voulais tout de même pas rire, je me suis dit, je vais me retourner, je vais voir mes camarades. Et dans leur œil, je vais reprendre mon sérieux. Je me suis retournée. Et alors, à mon grand effroi, je n'ai aperçu que des dos. Tout le monde se tordait, l'accusé était disparu derrière son box, mes camarades Jeannie Holt, Betty Dosmond pleuraient dans leur mouchoir, c'était absolument abominable. Alors je me suis retournée, j'ai essayé de parler, j'ai joué la scène le plus vite possible, puis enfin tout de même, on a baissé le rideau, nous sommes sortis de scène, je me suis précipitée vers Jaboun, et je lui ai dit, enfin, mais qu'est-ce qu'il y avait? Et il m'a répondu avec ce rire ineffable, je ne sais pas. Bon, eh bien écoutez, maintenant j'aimerais un peu, puisque malgré tout le public français vous connaît surtout par les films, que vous me parliez de votre entrée au cinéma. Eh bien, je suis venue au cinéma par le théâtre, tout naturellement. Mmh. Je jouais une pièce d'Andrea Gay, qui était prisonnier d'ailleurs, qui heureusement est revenue, qui s'appelait Une jeune fille savait au Bouffe parisien, avec François Perrier et Duménil. Et Fernand Gravet cherchait pour son prochain film une jeune femme pour jouer le rôle du guette dans Romance à trois. Ah oui, Romance à trois, je m'en souviens. Ça a été en principe mon premier film. Il est venu à la Générale, il m'a trouvé sympathique, il m'a demandé si j'étais libre, ça a pu s'arranger, il m'a fait faire un essai qui a été concluant. Et voilà. Ça a marché. Et puis vous avez tourné beaucoup de films, vous avez tourné Lettres d'amour, oui, de Mino, Le voyage sans espoir. Mais maintenant, vous parliez du voyage sans espoir. Du moins d'une scène de Voyage sans espoir. Vous n'avez pas une anecdote à me raconter sur une scène à laquelle, évidemment, le public n'aurait pas prêté à la main ? Oui, j'en ai une. Le Voyage sans espoir a été un film qui était très, très difficile à tourner pour nous, très fatigant. Nous avons mis 2 mois en tournant tous les jours, même le dimanche. Mmh. Et un jour, nous tournions une scène qui passe d'ailleurs assez vite à l'écran, qui est au moment où Paul Bernard est seul dans le phare et où je vais le retrouver. Je ne sais pas si vous voulez. Il est très méchant d'ailleurs dans cette scène-là. Je crois qu'il veut m'étrangler. Mais il est très méchant, oui. Non seulement il veut m'étrangler, mais il me gifle aussi terriblement. Mmh. Et cette scène qui passe, enfin qui dure, je ne sais pas, peut-être 1 minute à l'écran, 1 jour et demi pour la tourner, parce qu'elle était très, enfin, très difficile à régler au point de vue lumière, au point de vue angle de prise de vue. Et alors, j'ai reçu exactement 9 gifles magistrales et terribles. J'avais la tête qui tournait, j'étais dans un état épouvantable. Je vous comprends. Et Paul Bernard, qui est un camarade vraiment charmant, était désolé d'avoir à m'infliger ces corrections successives. Et alors, nous voyions la scène tout de même tout à fait dans l'ambiance. Je disais à Paul, ça n'a pas d'importance, allons-y. Alors Paul et moi, nous y allions très fort. Et quand enfin Christian criait « coupé », Paul se précipitait vers moi, m'embrassait, me disait « ma petite Simone, je vous demande pardon, ma petite ». Il était vraiment affolé. Je comprends ça. Mais dites-moi, il y a une autre... Je crois que vous avez des projets, de nombreux projets en ce moment. Vous avez tourné un film tout récemment. Oui, je viens de finir un film avec Jean Chou. Comme metteur en scène, avec Jean Chevrier, Gabriel Dordia et Jean Val comme interprète. Quel est le titre de ce film ? L'ange qu'on m'a donné. C'est un scénario assez charmant, avec un enfant. Et je dois dire que dans ce film, j'ai fait mon apprentissage de mère. La première fois que je tourne avec un petit bébé, j'ai trouvé ça bien agréable, tout à fait touchant, très charmant. Et vous avez l'intention de tourner plusieurs films encore ? Eh bien, maintenant, la semaine prochaine, je vais commencer un film qui s'appelle La tentation de Barbizon, avec François Perrier et Larquet. Guillaume Apollinaire, l'adieu. L'automne est morte, souviens-t'en. Ne nous verrons plus sur odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Poème de Francis James, la maison serait pleine de roses. La maison serait pleine de roses et de guêpes. On y entendrait l'après-midi sonner les vêpres, et les raisins couleur de pierre transparente sembleraient dormir au soleil. Sous l'ombre lente, comme je t'y aimerais. Je te donne tout mon cœur qui a 24 ans et mon esprit moqueur, mon orgueil et ma poésie de rose blanche. Et pourtant, je ne te connais pas. Tu n'existes pas. Je sais seulement que si tu étais vivante, si tu étais comme moi au fond de la prairie, Nous baiserions en riant sous les abeilles blondes près du ruisseau frais, sous les feuilles profondes. On n'entendrait que la chaleur du soleil tuerait l'ombre des noisetiers sur ton oreille. Puis nous mêlerions nos bouches, cessant de rire, pour dire notre amour que l'on ne peut pas dire. Et je trouverais sur le rouge de tes lèvres le goût des raisins blonds, des roses rouges et des guêpes. Je tiens, avant de terminer cette émission, à m'excuser auprès des auditeurs qui m'ont écrit de ne pas leur avoir encore répondu. Mais maintenant, c'est fait et j'espère que le courrier leur parviendra rapidement. Il faut aussi que je signale aux auditeurs que lorsqu'ils m'écrivent, qu'ils n'omettent surtout pas de donner leur adresse. En effet, j'ai ici plusieurs lettres auxquelles je ne peux absolument pas répondre, faute d'indication. Eh bien, après ces quelques petits conseils amicaux, permettez-moi de vous dire en quelques mots quel sera, dans les jours à venir, notre programme. Je vous signale que l'ordre de passage des vedettes à ce micro ne sera pas celui que je vous donne ce soir, car il est très difficile de les joindre et de prévoir à l'avance qui viendra bavarder avec nous en premier lieu. En tout cas, voici les artistes qui nous ont assuré leur concours. Fernand Gravé, Raymond Rouleau, Micheline Prelle, Josette Daïdé, Saturnin Fabre, Carette, Lucas Gridou, Francis Nobré, Georges Marchal, Francis Lopez-Rosé. Quant à Jean Marais, très demandé par ces dames et ces demoiselles, nous lui avons écrit pour le faire venir le plus tôt possible dans nos studios. Mais Jean Marais est mobilisé en ce moment chez Leclerc et est très difficile à joindre. Nous ferons en tout cas de notre mieux. Enfin, les auditeurs, désireux de voir de près leur vedette préférée, doivent nous écrire à l'adresse suivante. Confidence de vedette, 118 Champs-Élysées, Paris, en donnant leur nom et adresse. Nous tirerons au sort 4 lettres et vous fixerons un rendez-vous pour le jour de l'émission. Ceci dit, au revoir et à mercredi prochain. Que de vedettes à espérer alors le 12 août 1945 sur le programme parisien. Quant à Simone Renan, qui livrait ses confidences à André Bourillon, elle devait tourner 2 ans plus tard l'un de ses plus célèbres rôles, Dora, la photographe du film de Clouzot, Quai des Orfèvres. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.